Ok, une première case dédiée à mon pote Flo. Tapé des délires à Gogo, première expérience de go. Case dédiée à Franck, réputation de don jouant. Case dédiée à Loïc, t'inquiète, expert graphiste. Il est pas frais mon site. Eh, hey. Exorciste représente ta site. T'inquiète, on progresse à chaque piste. Minty, Flo, caméléon trop rapide. Oh, j'allais oublier Benji. Les pires conneries, tous les CPE en crise. Tu t'en rappelles? Une pensée pour Sarah, Caro, Laura, Vanessa, Patricia, Dina. Je me rappelle même d'Axel. À l'époque, je ne voyais qu'en elle. Cassetti, à Dimitri, à Thèse. La naissance d'un art. Forza Italia et Mehdi. Va falloir se calmer sur le shit. Eh, Ghostboss à Blacksmith. Instru de terroriste. Trop fort, ouais, Cassetti à Trésor. Busters de Sabra jusqu'à la mort. Merci à tous ceux composés sur l'album. Big up à tous ceux qui font du buzz. Délarté, ouais, qui me compare à une bombe. Une spéciale pour Antoine. Trop de bons moments internes à Corse. Celui qui alterne Douille et Rome. Merci à LSD, Ornica 9. Restez comme vous êtes, original. Une spéciale pour Zango 5. Progression vocale, tu peux pas tester. Le Science Style, donne NCC c'est du riz musical. Ouais, merci malgré le retard. Ouais, merci dit à Jonathan, c'était le bon temps. Dommage, on se capte plus maintenant. J'en place une pour Mythique. Ouais, jeune mais balèze, mec. Ouais, mais chaud chaud comme la presse aussi, hein. Nostar, 88 carats. Équipe de gangsta, gangstar. Une pour la familia, pour celle qui m'a fait grandir. À ma daronne, même si je te fais souffrir. Au daron, malgré mes soupirs. Une spéciale pour la première ES 2006. Oussama, Sada, Mika, Sami, Jason. Le mateur voisin d'en face. Casse dédié à Elias. Casse dédié à Nicolas, à Momo. Et même au Mas. Ouais, eh, j'oublie pas Ben. J'oublie pas Dim. Une pour Apologique. Le forum qui a fait que Delarté existe. Et double H Project, une autre façon d'être. Ouais, une dernière pour Pierrot. Tu m'as tout donné poteau. C'est la fin, mais la fin d'un début. Le début, ouais, mais le début d'une répute. Ouais, pour tous les poteaux. Pour ceux qui ont suivi préface. Et le buzz sans le bise. Ok, toujours OP. Ouais. Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. Parce que c'est...